Bernard le Gros, illustre de puissance et de noblesse, posséda des fortifications construites près du monastère de Cluny. Depuis longtemps, il causa beaucoup de mal au monastère et aux églises environnantes. Il changea subitement et mit fin à ses mauvais penchants. Et vint voir le père Hugues parce qu'il voulait se rendre à Rome, expier ses fautes par des prières. Et que s'il lui était accordé de revenir vivant, il renoncerait au siècle, et s'engageait à devenir moine au monastère de Cluny. Il se rendit à Rome, auprès des glorieux corps des saints apôtres et des premiers martyrs, s'adonnant à la prière et aux aumônes, autant qu'il put, pour expier les crimes de sa vie passée. Il quitta Rome au bout de 40 jours, nombreux consacrés à faire pénitence. Arrivé à Sutri sur le chemin du retour, se trouvant encore près de Rome, il fut saisi d'une maladie et mourut. Ses compagnons de pèlerinage s'occupèrent de lui, tout étranger qu'il était, et l'ensevelirent chrétiennement. Quelques années après son décès, vers l'heure du midi, le préposé d'un village de Cluny nommé Bernard, étant dans la forêt proche du château d'Uzella que Bernard le Gros avait construit, vit des voleurs en sortir après avoir pris tout ce qu'ils avaient trouvé dans le château. Bernard rencontre à feu Bernard le Gros, vêtu de peau de renard neuve, et assis sur une mule. Il eut peur, sachant qu'il était mort, mais lui demanda qui il était, et ce pourquoi il était venu. Le défunt comte répondit. « Tu sais que je suis Bernard le Gros, le seigneur de cette région. J'ai causé de grands mal quand j'étais de ce monde, comme le savent tous ceux qui habitent par ici. Ce qui me tourmente plus que tout, c'est la construction de ce château. C'est moi qui l'ai construit comme tu le sais. Parce que je me suis repenti de mes mauvaises actions à la fin de ma vie, j'ai échappé à la damnation éternelle. Mais pour parvenir à une libération entière, j'ai besoin de ton aide. On m'a permis de venir ici pour obtenir que l'abbé de Cluny me prenne en pitié. J'ai essayé de le rencontrer à Ans la semaine dernière où il a reçu l'hospitalité et où je suis resté de nuit parmi les quémandeurs et les domestiques. Je te demande d'aller le voir et le supplier d'avoir pitié de moi. Quand je lui demandai pourquoi il était revêtu de peau de renard, il répondit. Ce manteau que j'ai acheté fort cher autrefois, le jour même que je l'ai traîné, j'en fis cadeau à un pauvre. Je l'ai donné quand il était neuf. Il demeure toujours neuf, et m'apporte un soulagement indescriptible dans mes souffrances. Puis il disparut. Je me hâta alors de remplir la mission qu'il me confia et parvins à rencontrer l'homme béni vers qui je fus envoyé, et lui raconta tout dans l'ordre. Débordant de charité, il accepta les demandes de l'âme du défunt. Il offrit avec bonté un grand nombre d'aumônes, fit beaucoup de messes du Saint Sacrifice, et porta secours à l'âme tourmentée d'un juste jugement de Dieu. Par ses actes de miséricorde, Bernard le Gros fut libéré de ses supplices, et se joint à ceux qui se réjouissent au repos éternel comme il est digne de le croire. Il n'aurait pas demandé d'être aidé par les saints sacrements et les bonnes œuvres, s'il n'en retire aucun profit. Par ce fait donc qu'il a demandé d'être secouru par ces choses saintes, il a montré qu'il était digne d'une telle aide. L'abbé prédit une fin prochaine à l'homme à qui cette apparition était survenue. De ces apparitions survenues en notre temps, ceux qui ont entré en contact avec des morts n'ont pas vécu longtemps après. Secoué de frayeur par l'apparition mais encouragé par Saint Hugues, le préposé Bernard renonça immédiatement au siècle pour entrer en religion. Il termina sa vie quelques jours après.